maternité. Maternité. Maternité de Geneviève Brisac. Épisode 4. Les mamans disent. Proverbes et autres formules toutes faites pour leurs enfants. Petite ethnographie des lieux communs maternels. Nous relevons que, premièrement, les phrases des mères parlent du temps qu'il fait, de l'inquiétude qu'elles ressentent devant le froid. Mets ton bonnet. Mets ta cagoule. Prends ton écharpe. Remets ton pull. Prends ton gilet. Mets tes chaussettes. Sors du bain, il fait froid. Sèche-toi, vite. Prends ton caouet. Il va neiger. On attrape mal par la tête et par les pieds. Deuxièmement, les phrases maternelles disent le temps qui passe n'importe comment. Dépêche-toi est le plus répandu. Variantes entendues. Grouille-toi, on ne t'attendra pas toujours. Si tu crois que je n'ai que cela à faire... Tu as mangé de l'escargot. Variante. De la limace, de la tortue. Allez, Zou, on y va. On est en retard. On se réveille. On se secoue le popotin. On ramène ses fesses. Car les enfants vous ralentissent considérablement. Troisièmement, les mots des mères sont des verbes à l'impératif, et souvent dans leur forme négative. Fais pas ça, touche pas ça, arrête ça, ferme ça. Fais attention, lève la tête, tiens-toi droite. Fais donc pas cette tête-là. Tais-toi donc, écoute un peu, regarde-moi ça. Finis ton assiette, range ta chambre. Combien de fois baisse le son? Et maintenant, lève-toi. Mets ton casque. Me dérange pas. Va te coucher. Ferme la porte. Ouvre la bouche. Ferme les yeux. T'en fais pas. Voilà ce que disent les mères à leurs petits. Cela s'appelle l'éducation. Quatrièmement, les phrases des mères sont des questions qui n'appellent aucune réponse. Tu as fait tes devoirs. Tout va bien. Tu t'es lavé les mains. Tu as pris ton sirop. Tu as parlé à ton père. Tu as fait quoi à l'école. Tu t'es fait des amis. Les mères transmettent parfois leur approche poétique de la vie. Une vision non dépourvue de menaces, mais pleine d'espoir aussi. Si le vent tourne, tu loucheras toute ta vie. Mais la chance te sourira, enfant du jeudi, enfant né coiffé. Qui signifie couvert de placenta et non de cheveux, comme on l'imaginait. Un placenta de mots pour se protéger des dangers, car la vie est si pleine de choses redoutables qu'on ne saurait même les énumérer. Mets ta cagoule. Elle est postée devant la porte, elle barre la route. Une écharpe à la main, ou bien un bonnet à pompons ou une cagoule. L'enfant pousse la mère, agacée. J'ai pas froid. Je pense soudain que c'est là l'essence du sentiment maternel. Avoir froid par personne interposée. Craindre un rhume qui ne vous est pas destiné. Je t'en supplie, ne sors pas ainsi, dehors il gèle. Songeant à cet enfant désormais hors de ma portée, je murmure sans que personne ne m'entende. J'espère que tu as mis un pull. Pourvu que tu aies mis ton écharpe autour de ton cou. Et je t'en prie, ne prends pas froid. Je me vois dans l'escalier, je m'entends au téléphone. Prends ce gilet, enroule-toi dans ce châle. Mes bras s'allongent, impuissants cependant. Je me résigne. Ça ne fait rien. Tout à l'heure, j'achèterai du sirop, de la mélisse, des pastilles à l'origan, de l'échinacea, tout ce qu'il faut. Du thym et du romarin. Mon inquiétude ressemble à la douleur de la mère du marin, tremblante sur sa falaise. Le vent lui cingle les joues, ses larmes coulent pour rien. Une minute de silence pour la mère du soldat. J'entends ricaner les enfants. « On est bien au chaud sur la terre ferme !» disent-ils, si j'entends bien. « Te fais pas de bile, Bill. »« On sera jamais marin !»« On n'ira pas à la guerre !» Il y a d'autres périls, je pense, et je croise les doigts. Devant les frissons maternels, les enfants ricanent. Très gentiment, of course. Ils disent... Les manteaux, c'est pour les vieux. Mais les cagoules, c'est pour les nains. Et les écharpes, ça serre le cou et on étouffe. Ils passent par la porte de derrière, profitent d'un moment d'inattention pour bondir en t-shirt et sans chaussettes dans le froid coupant. Enfant, je n'avais jamais froid. Je trouvais la frilosité suspecte et horrible. Une manifestation de la peur de vivre. Les manteaux me semblaient faits pour m'alourdir, les bonnets pour m'assourdir, et les écharpes me semblaient avoir été inventées pour me ligoter. Ciao, maman, et vive la liberté!